6h05, il est temps de retrouver l'indispensable chronique de François Morel. Bonjour François. Bonjour Ali. Bientôt, si ce n'est déjà fait, nous allons entrer dans l'après-guerre. Le 16 mars 2020, dans une déclaration solennelle, le président Macron avait martelé « Nous sommes en guerre ». Aujourd'hui, que les ravages du virus semblent s'éloigner, une question se pose : comment aborder l'après-guerre ? Comment raconter cette période historique ? Comment créer une œuvre qui soit suffisamment forte, suffisamment fédératrice pour réunir à nouveau le peuple français ? Comment raconter l'occupation du coronavirus sur la terre de France ? Comment dire ces héros et ces salauds, ces braves et ces médiocres ? Oui, comment créer une sorte d'œuvre patrimoniale qui sache évoquer la France sous l'occupation du coronavirus, un peu à la manière de Jean-Pierre Melville quand il tourna l'Armée des Ombres. Premier plan, place de l'Étoile, le désert. Pas une voiture, pas un vélo, pas un être humain. Puis tout d'un coup, une armée de canards venus du bois de Boulogne descend les Champs-Élysées. Gros plan sur un homme. Je suggère Gilles Lelouch ou Jean Dujardin ou Guillaume Canet, un grand. Il est sur son canapé, il mange des chips. Il est allongé, il regarde un film avec Louis de Funès. Tout d'un coup, il se gratte les testicules, puis reprend les chips. Coup de théâtre. Au bout de plusieurs minutes, l'homme se lève, la tension est à son maximum. Où va-t-il ? Que fait-il ? Il marche droit devant lui. Dans le couloir de son appartement, il va au cabinet, au petit coin, au WC. Là, dans un espace encore plus réduit, il se met à compter le nombre de paquets de papier toilette. 827. Il murmure le chiffre tout bas. 827. Il est ému. Il a envie de pleurer. Il est celui qui aura permis à sa famille de garder toute sa dignité dans l'adversité. Il sait cependant qu'il n'a fait que son devoir. Le devoir d'un homme sur qui les autres peuvent compter. Il va se rasseoir sur le canapé, le film avec De Funès est fini. Il zappe, il décide de regarder Affaire conclue. Il s'aperçoit que c'est une rediffusion. Il murmure pour lui cette phrase qui pourrait devenir historique. Pour les Français, la guerre sera finie quand Sophie Davant enregistrera de nouvelles émissions. Une femme apparaît. Dans la chambre à côté, elle faisait une sieste, elle a les traits tirés. Sur la joue, la marque de l'oreiller. Une femme tendue, épuisée, je pense à Mélanie Laurent, peut-être Marion Cotillard, peut-être Léa Seydoux. Elle est au bord des larmes, elle a du mal à parler. Puis dans un souffle, elle dit « il n'y a plus de beurre ». Gros plan sur l'acteur, Lelouch ou Dujardin ou Canet, silence, échange de regards, tension palpable. Puis il ouvre la bouche, il dit « j'y vais ». Il met 3 slips, 4 pullovers, une combinaison de plongeurs. L'actrice en larmes explose de douleur. N'y va pas, Pierre, tant pis. Il me reste de l'huile d'olive. J'y vais, répète l'acteur. J'y vais, Vanessa, je dois y aller. Le couple, Pierre et Vanessa, pendant quelques instants, séparés par 1 mètre de distance, aimeraient s'embrasser, mais il ne peut pas. Il respecte les gestes barrières. Pierre est devant le Coxy Market. Il fait la queue. Devant lui, 1 mètre, un homme. Derrière lui, 1 mètre, une femme. Il saisit dans sa poche son téléphone portable. Il compose un numéro. Le téléphone sonne dans le vide. Gros plan du portable de Vanessa qui vibre sur la table basse du salon. Vanessa sur le balcon fume une cigarette. Retour sur Pierre devant le Coxy Market. On l'entend murmurer, Vanessa, réponds-moi, je t'en prie. Vanessa, réponds-moi. Vanessa de son balcon voit enfin son téléphone vibrer. Elle se précipite sur lui, décroche. Gros plan sur Pierre. Ah Vanessa, enfin tu es là. Oui Pierre, j'étais là, sur le balcon. Qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu me demander? Court silence. Vanessa, le beurre. Demi-sel ou doux? Doux. Doux, répond Vanessa, doux. Prends 3 plaquettes. Pendant que tu y es, prends 2-3 paquets de papier toilette aussi. Fin du film. Attention, j'ai tout à fait conscience que le synopsis a encore besoin de travail. Nous avons 1 année pour mettre le scénario au point, si on veut être prêt pour Cannes 2021. Merci beaucoup François Morel. Ce fut un plaisir de vous avoir dans Grand Bien vous fasse tout au long de ce confinement et de ce déconfinement. Et on vous retrouve dans la matinale, évidemment, vendredi prochain à 8h55.